Exercice 5, page 136. A. C'est bien à vous? B. C'est bien la vôtre? C. Tu bois du vin? D. Tu veux du beurre? E. Tu vois ces bottes? F. Tu viens bientôt?